deviennent mercenaires. Je veux pas que mon fils devienne mercenaire. J'aurais aimé sortir mes frères avec Chris, des vaines entreprises, de tout ce qui fait que le diable un sur la main mise et voir des livres de deal, sorte de buse, de plus entendre que la cam a une odeur exquise. Marcher en paix, en équilibre, ne pas entendre des gosses venir sans peur le martyrie. J'aurais aimé, bien plus je crois que je vais le voir. Jésus veut dire sauveur, fils, garde-le en mémoire. Ici on capte rien, les oreilles bouchent, on avance, mais dans quel sens? Peu importe, on rentre dans le tas, la mort dans le plat. Divisé comme un sénat, on construit son nada, sur les yeux un bandana. Flip, les gens sont pleins de principes, complètement dingues. Autant de concepts qu'il y a d'idées. Je reste high en Christ dans les lieux célestes. L'âge du lust, mon flot tombe les forteresses. Avant l'heure, à l'heure où sonne la trompette, ce chanson dans ma tête, en l'éternel je suis armé. Prêt pour accomplir ce dessin, avant l'heure, père. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Il y a trop de gens qui se perdent. Je veux pas que mon fils devienne mère. Donne-moi les mots qu'il faut, père. Pour dire au monde combien il est important de te suivre. Donne-moi les mots qu'il faut, y'a trop de gens qui se perdent. Je veux pas que mon fils devienne mère. Donne-moi les mots qu'il faut, père. Pour dire au monde combien il est important de te suivre. J'ai vu ma mère en larmes tant de fois, mes frères souffrir trop de fois. Des gens crevaux autour de moi sans que je puisse les sauver. J'ai vu la misère s'agiter sous toutes ses formes. J'ai vu des gens crevants disant t'inquiète j'ai la forme. J'ai vu des gens pleurer sans pouvoir les consoler. Alors je pleurais avec eux, je pensais les soulager. Je pensais que la misère pouvait se partager. Mais quand tu souffres c'est toi qui souffres et non celui d'à côté. Je pensais que ma vie serait tranquille, mais j'ignorais jusqu'ici que le diable est souvent vigile. J'ignorais que ça serait si dur, sinon c'est sûr, je serais venu avec une armure. La vie étrange, remplie d'inattendus, de choses bizarres qui vers le ciel te conduiront à voir les bras tendus. Depuis que tu es né, combien d'histoires tu as entendu? Des histoires folles qui te sont parvenues. Au départ tu étais surpris, puis comme tout le monde t'as accepté la vie et ses mépris, ses injustices et tout ce qu'elle t'a pris. Tes rêves de gosse avortés avant qu'ils prennent vie. Donne-moi les mots qu'il faut, y'a trop de gens qui se perdent. Je bouge pas que mon fils devienne mercenaire. Donne-moi les mots qu'il faut, père. Pour dire au monde combien il est important de te suivre. Donne-moi les mots qu'il faut, y'a trop de gens qui se perdent. Je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Donne-moi les mots qu'il faut, père. Pour dire au monde combien il est important de te suivre. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots qu'il faut. Pour dire au monde combien il est important de te suivre. Donne-moi les mots, les mots, les mots, les mots, les mots.